noir sort du pot d'échappement. Joue pas les fous, on peut t'ôter chaque membre. Algérien, c'est RP de Jackman. Mon équipe vient de tout débarquement. Debout dans le club, fuck le temps des coups durs. Balthazar de champ payé en petite coupure. Salope d'Europe de l'Est qui porte des sapots de couture. Elle twerk sur la banquette, elle rend ton zizi tout dur. Bâtard, tu me fais pas peur, tu peux pas me faire sursauter. D'après eux, tu rap sale, d'après nous, t'es surcoté. Tu te fais ça comme un clown, cousin, t'as sapé sauté. Nous, à moins de lui, grave dans le sang, on fait pas de pas sur le côté. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Posé dans le club, frère, on fume le calumet. Moi, je suis pacifique, mais mon frère peut t'allumer. Gucci sur la paire, bouteille dans le seau. Deux pas en arrière, frère, joue pas les shows. Bouge. Bouge. Bouge. Je lève mon verre à la tienne, bien sûr qu'on va la ken. Si c'est seul, bouge. Nique sa mère le videur, c'est bien avant 6 heures. Tu m'étonnes, bouge. Trop de sur, on a pour les crosser. Éveille nos sens, ramène-nous les gosiers. Si t'as du cash, on pourra négocier. J'ai toujours 2-3 baveux pour sortir des procès. On se déplace en équipe dans l'intention de tout niquer. Je passe par helvétique, argent US, mais sonité. Contrôle de la poitrine, crochet du gauche, palpiqué. On fait les choses à part, on fait les choses appliquées. Soigne les visus, carte black et bisous. Pour mes gars, pour mes dames, écharpe, sac et bijoux. On a le flow qui plaît, soit que ça, tout ce qu'il faut. Les pompes basses équipées, sur toi tout est faux. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Posé dans le club, frère, on fume le calumet. Moi, je suis pacifique, mais mon frère peut t'allumer. Gucci sur la paire, bouteille dans le seau. Deux pas en arrière, frère, joue pas les shows. Bouge. Bouge. Bouge. Je lève mon verre à la tienne, bien sûr qu'on va la ken. Si c'est seul, bouge. Nique sa mère le videur, c'est bien avant 6 heures, que mes têtes bougent.